C'est le moment de suivre l'édition de la mi-journée d'Osso, dimanche 25 septembre 2022. Voici d'abord les titres. Fermeture et transfert de certaines classes et filières de certaines écoles fondamentales et post-fondamentales de la province Carroussi à d'autres écoles depuis cette semaine. Les effectifs insuffisants des élèves dans les classes seraient le motif de ce mouvement d'élèves et enseignants selon les responsables scolaires. Et à Mwanga, en commune de province Lumongue, un homme âgé de 35 ans soupçonné d'avoir violé une fillette de 4 ans ce samedi est dans les mains de la police judiciaire de Lumongue. Dans l'actualité sportive, le Burundi décroche 4 médailles dans le championnat d'Afrique par badminton. Ce championnat d'Afrique a débuté le 20 et se termine ce dimanche. C'est Milan Bona sur la mise en onde et à la présentation. Vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page éducation pour débuter cette édition. Certaines classes et filières de certaines écoles fondamentales et post-fondamentales de la province Carroussi sont fermées et transférées à d'autres écoles depuis cette semaine. Les responsables scolaires parlent des effectifs insuffisants des élèves dans les classes comme motif de ce mouvement d'élèves et enseignants. La direction provinciale indique que cette activité doit se faire avec plus d'attention pour éviter tout désagrément dans cette application de l'ordonnance ministérielle. C'est au moment où certains parents pensent que cela pourrait être la cause d'abandon scolaire. Le point avec Blaise Pascal Kalalumiye. À l'école fondamentale de Karunyinya de la commune Buhiga, il n'en reste que les classes de première année à la sixième année. Les élèves de septième année et de huitième année ont été transférés sur mercredi aux autres écoles des centres de Buhiga et centres Karusi. C'est de même au lycée communal Nyamugari de la même commune de Buhiga, province scolaire de Karusi, où 5 classes ont été fermées, les 3 de la section langue qui ferment d'office à cette école et 2 de la section sciences. Les élèves de deuxième et de première science étant transférés au lycée Sacré-Cœur de la paroisse catholique de Carroussi et n'y restent que les élèves finalistes. À cet établissement secondaire de la paroisse catholique, la section sociale ferme aussi pour cette année scolaire qui débute. La même situation de fermeture de certaines classes et sections est également confirmée par le directeur communal de l'enseignement dans la commune scolaire de Guitaramuka et les élèves et enseignants concernés par la décision sont transférés pour aller compléter les effectifs qui sont bas dans des écoles les plus proches de là où ils étaient, comme tranquillisent les responsables de ces deux directions communales. Ils signalent que les classes concernées comptent des effectifs très bas d'élèves, c'est-à-dire moins de 25 élèves dans une classe de l'école fondamentale et moins de 20 au poste fondamental. Du moment que certains parents et éducateurs s'inquiètent que cette décision entraînerait que certains élèves abandonnerait l'école cette année scolaire. Le directeur provincial de l'enseignement indique que cette activité se fait avec plus d'attention pour éviter tout désagrément qui engendrerait des résultats négatifs. Il indique que cette activité est la mise en application de l'ordonnance du ministre de tutelle, stipulant qu'une classe fondamentale devrait avoir au moins 25 élèves et 20 au poste fondamental. Depuis Carroussi, Blaise Pascal Kalalumiye pour Radio Isanganiro. Page société à présent, un homme de 35 ans, habitant de Mwanga, en commune et province Lumongue, est dans les mains de la police judiciaire de Lumongue depuis l'après-midi de ce samedi. Il est soupçonné d'avoir violé une fillette de 4 ans vers la mi-journée de ce samedi. La police de Lumongue confirme cette arrestation pour des raisons d'enquête. Jean-Pierre Misago. Des informations obtenues auprès de certains des habitants de Mbuga sur la colline Mwangé indiquent que cet homme a trompé cette gamine de 4 ans qu'il allait lui acheter des beignets dans les boutiques 6 le long de la RN3 Bujumbura-Lumongue. Mais ils ont traversé cette route direction côté lac Tanganyika avant de la conduire dans une maison inhabitée. Selon ces sources qui indiquent que les cris de cette gamine ont alerté les voisins qui ont attrapé et battu cet homme avant l'intervention des policiers positionnés au stade Issy Zigiro de la place. Cet homme sera conduit ensuite au cachot de la police judiciaire de Lumongue pour la poursuite des enquêtes, comme le confirment des sources policières et la survivante conduite à l'hôpital. Certains des défenseurs des droits de l'enfant à Rumonge contactés demandent aux instances habilitées d'appliquer scrupuleusement la loi en cas de culpabilité de cet homme afin de décourager de tels actes. Cela arrive plus d'un mois après un autre cas similaire rapporté à Rutumo avec un document écrit et signé par l'auteur reconnaissant l'infraction et demandant pardon devant plusieurs témoins. Ce qui n'a pas empêché qu'il soit libéré quelques jours après, selon certains des habitants de Rutumo. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, les habitants de la commune Mumba, ici en province Ngozi, demandent la disponibilité des produits phytosanitaires dans leur commune. Ils indiquent que maintes fois à la recherche de ces produits, ils ne les trouvent pas chez l'agronome communal. La population de Mumba l'a dit ce samedi. C'était lors d'une campagne de sensibilisation sur les maladies des plantes et les remèdes appropriés. Le responsable des cliniques des plantes invite les agronomes de contacter leurs supérieurs en cas d'apparition d'une nouvelle maladie, comme le cas actuel des avocats sur la colline Bulenza dans leur commune, dans la même commune. Le point avec Apollinaire Muzagara. Lors de cette campagne de sensibilisation sur les maladies des plantes qui va durer 7 jours, on a insisté sur les chenilles qui ravagent des champs de maïs. En plus de la lutte mécanique qui consiste à ramasser à l'aide des mains ces chenilles, ces techniciens en campagne conseillent la pulvérisation des produits phytosanitaires et autres méthodes. Les habitants de Mumba ont évoqué aussi la maladie BXW qui menace la banane, des avocatiers, champs de tomates et choux attaqués par des insectes qui font que ces plantes sèchent ou pourrissent. La population présente sur les lieux de sensibilisation déplore que les médicaments de ces plantes font souvent défaut dans leur commune. Innocent Nakarutimana du bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage rappelle à la population d'Ongozi l'existence des cliniques de plantes dans 8 sur 9 communes que compte cette province, exception faite pour Boussig. Son superviseur de ces cliniques parle même des techniciens formés en la matière, techniciens dits docteurs de plantes. Il demande à cet effet à la population de Mumba et autres communes d'approcher ces techniciens et agronomes communaux chaque fois qu'il y a apparition d'une nouvelle maladie et d'en informer de leur côté le BPI. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Rendons-nous à présent à Bubanza, la 14e place qu'occupe la province de Bubanza dans le concours national de 9e année édition 2022 n'est pas bonne, constat des responsables scolaires de cette province qui appelle au directeur à bien superviser la façon dont les cours sont dispensés et aux parents de bien encadrer les enfants quand ils ne sont pas à l'école. Spes Caritas Kabanyana. Selon certains responsables scolaires, le taux de réussite est moins élevé dans le concours national de 9e année peut être causé par certains parents qui n'encadrent pas suffisamment leurs enfants quand ils sont à la maison, qui leur donnent d'autres travaux au lieu de les obliger à réviser les notes. Un parent contacté en mandat dit à son tour que l'échec peut aussi dépendre de l'enfant lui-même, puisqu'il y a des enfants qui s'absentent à l'école à l'insu des parents et qui vont chercher du travail, et c'est souvent suite à la pauvreté dans certains ménages. De son côté, le directeur provincial de l'enseignement déplore le fait que certains parents deviennent de plus en plus irresponsables envers leurs enfants. Et ce que nous avons constaté est que les parents, donc dans ces jours-ci, ne se préoccupent pas de l'éducation de leurs enfants. Donc nous avons aussi invité l'administration provinciale pour qu'ils puissent nous aider donc dans des réunions qu'ils organisent dans des localités différentes pour quand même qu'ils puissent aussi sensibiliser les parents en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Donc est-ce que les parents peuvent nous aider? C'est premièrement en prodiguant des conseils qui peuvent les aider et surtout en les montrant l'importance de l'école. Parce que au cours de l'année scolaire, l'école, nous avons constaté qu'il y avait eu beaucoup plus d'abandon. C'est-à-dire que les parents ne sont pas beaucoup impliqués en ce qui concerne l'éducation. Claude Radugalice parle également des stratégies pour cette année scolaire afin d'améliorer le rendement. Les stratégies qui ont été arrêtées pour améliorer le rendement scolaire au cours de cette année scolaire 2022-2023, une réunion a été organisée en collaboration avec l'administration provinciale et d'autres partenaires du secteur éducatif pour arrêter ensemble les stratégies qu'on va adopter au cours de cette année scolaire afin d'améliorer les états scolaires. Premièrement, nous avons appris que nous allons améliorer l'encadrement, des visites d'encadrement administratif, pédagogique et même financier. Donc, au niveau des écoles, nous avons incité les directeurs d'améliorer donc les visites de classe et suivre de près la discipline des élèves dans les salles de classe. Cette province de Bouvansa a été la 14e au concours national édition 2022 et l'année passée, elle était la 15e selon la direction provinciale de l'enseignement à Bouvansa. C'est ce qu'a dit Kavanyana Bouvansa, Javier Isanganiro. Actualité sportive, avant de mettre fin à cette édition après le classement final du championnat d'Afrique para badminton, le Burundi décroche 4 médailles. Il s'agit d'une médaille d'argent et 3 médailles de bronze. Manishim Evelyne a obtenu la 2e place de simple dame au regard de points obtenus en demi-finale. Pelagie Niyonzima gagne une bronze, synonyme de 3e place de simple dame. Evelyne Manishim et Pelagie Niyonzima sont à la 3e place de double dame, obtenant ainsi une bronze. Son championnat d'Afrique a débuté le 20 et se termine aujourd'hui le 24 septembre 2022. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi à la présentation. Vous étiez avec Ornella Mucho et du côté de la cabine technique, il y avait Anselmo Ilambona.